retard aux fleurs. Ça fait longtemps qu'on s'est pas entendu, mais non. Alors, que c'est le Saturne de Night Fever qui fait tu chez toi. Tu es pas loin. pas abonné à ma chaîne Twitch depuis le temps qu'on se connaît. Si tu veux me faire plaisir, et je sais que tu veux me faire plaisir, c'est évident. Il faut que tu t'abonnes à ma chaîne Twitch. D'avance, merci. Je m'appelle Whitey comme Whitey. Il faut que tu m'expliques comment ça marche. Thank you.

Que tu t'abordes, t'as presque fini. flore, t'as presque fini. Il faut que tu mettes un petit cœur, mais tu es presque. Tu as chaté, on t'a dit. je t'adore, je t'adore, je t'adore. Sois pas désolé, je t'aime. Et ben maintenant, du coup, quand tu auras une notification, ben tu peux venir dire bonjour sur le chat. Historias 1.